بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Le cours d'aujourd'hui, c'est le cours numéro 10 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman, les fondements de la foi, du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et donc, c'est des hadiths qui sont divisés par chapitres selon les piliers de la foi. Et on est dans le premier pilier, c'est-à-dire l'iman ou billah, la foi en Allah. Et vous savez que les piliers, des fois vous allez lire usul al-iman, des fois vous allez dire arkan al-iman. Arkan, usul, les deux c'est la même chose, d'accord? Ça veut dire les fondements de la foi, les piliers de la foi. Et la foi en Allah, le cheikh il explique donc les attributs d'Allah. Parce que pour connaître Allah, il faut connaître ses attributs. Parce que c'est par ses attributs qu'on arrive à le découvrir, qu'on arrive à le connaître. Parce qu'il s'est fait connaître à nous dans sa révélation, dans le Coran et dans les paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est fait connaître à nous en nous mentionnant ses noms et ses attributs. Donc c'est comme ça qu'on arrive à le connaître et à l'aimer et à le craindre et à le respecter et à obéir à ses ordres et à s'abstenir de faire ce qu'il nous a interdit. Et ainsi de suite. Donc, on était rendu à expliquer le point ou le chapitre où le cheikh il dit Bayanu Mada Azamatillah, c'est-à-dire l'explication de l'étendue de la grandeur d'Allah. Hein? De la grandeur d'Allah. Au dernier cours, on expliquait le hadith dans lequel Abu Dhar il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que les cieux. Hein, font un bruit, hein, comme le bruit pas une embarcation, mais yani une monture ou un chariot ou quelque chose lorsqu'il est surchargé. Hein, il fait un bruit ou bien un animal, si on lui a mis trop de choses sur son dos, il se plaint, il fait un bruit. Hein, donc les cieux, à cause du fait que les cieux sont surchargés par la quantité d'anges qui sont dedans, il dit qu'il n'y a pas l'espace de quatre doigts dans les cieux, excepté qu'il y a un ange qui se prosterne à cet endroit-là et qui se prosterne à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ça pour montrer, donc, si c'est, ça c'est la création d'Allah. Donc, on peut voir la grandeur d'Allah. Et dans toute cette étendue dans la création, il a créé des anges qui le glorifient. Et il dit ensuite, « Et par Allah, si vous saviez ce que je sais, eh bien, vous auriez ri peu et vous auriez pleuré beaucoup. Et vous n'auriez même pas tiré de plaisir de vos épouses dans les lits. Et vous seriez sorti vers les étendues, les grands espaces pour demander et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une partie de ce hadith-là qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, et c'est la partie où il dit, si vous saviez ce que je sais, vous auriez ri beaucoup, un peu, vous auriez ri peu et pleuré beaucoup. Ça, c'est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim. Le reste du hadith, il est rapporté par l'imam Ahmad. Donc, on expliquait en même temps tout ce qui a rapport avec les anges. Et on était en train d'expliquer ça au dernier cours. Donc, on revient au point où on s'était rendu. Le cheikh Al-Fawzan, il disait que les anges font partie de l'invisible ou du raib, le monde de l'invisible. Et il dit « فَنُؤْمِنُ بِهِمْ كَمَا ذَكَرَهُمُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَكَمَا ذَكَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ في أحاديث كثيرة فالذي لا يؤمن بالملائكة كافر بالله عز وجل قال تعالى الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض فالملائكة رسل خلقهم الله سبحانه وتعالى ويعني لمهمات ومن مهماتهم أن الله أرسلهم بأوامره قال عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع Donc, juste avant de commencer, avant de continuer ou avant de commencer à traduire ça, juste faire une petite note qui n'a pas vraiment rapport, mais ça, c'est important de le dire. Il y a un des frères qui était toujours avec nous dans les Dourous. Et le frère, alhamdoulilah, c'est un frère mujtahid. Il fait beaucoup d'efforts pour apprendre. Et ce frère-là, il était assidu au Dourous quand il était à Montréal. Il est venu à Montréal, il était assidu au Dourous. Après, quand il a quitté, il est parti dans différents pays. Il était allé au Moyen-Orient. Là, actuellement, il est en Égypte, il étudie. Et dernièrement, il m'a laissé des messages sur WhatsApp. Et il m'a laissé les messages qu'en arabe. C'est-à-dire, à la base, le frère, il n'était pas arabophone. Il parlait que français. Maintenant, il me parle, il me laisse des messages qu'en arabe. Donc, quand j'ai entendu ça, j'étais tellement content. Parce que j'ai vu que le frère, il a fait beaucoup d'efforts. Et que, alhamdoulilah, il continue à apprendre. Et que maintenant, il se débrouille vraiment bien en arabe. Et il s'exprime vraiment bien. Donc, c'est un rappel en même temps pour tous les frères de faire des efforts, inshallah, pour essayer de s'améliorer. De même qu'il y a certains frères dans le groupe à Montréal, je constate qu'ils font des efforts aussi pour essayer même d'écrire en arabe, de discuter en arabe entre eux. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, je les applaudis pour ça. Façon de parler, hein. C'est-à-dire, je les félicite pour ça, et puis je les encourage à continuer et à faire des efforts comme ça pour essayer d'améliorer leur arabe, que Allah subhanahu les aide dans cette voie. Oui, j'ai pas dit son nom parce que je veux pas, yani, comme on dit, faut pas faire des glorifier quelqu'un trop, mais c'est juste pour dire, yani, pour que ce soit un exemple pour vous, hein, pour que ce soit un exemple pour vous motiver aussi, inshallah. Donc, moi je me rappelle au début quand j'étais converti, subhanallah, j'assistais à la khutbah de Jumu'ah, puis je ne comprenais même pas l'arabe. Donc, je ne trouvais pas ça aussi intéressant, mais j'écoutais quand même. Et même j'assistais des fois à des dourous. Il y avait un cheikh soudanais qui était ici à Montréal, c'est avec lui que j'ai appris l'arabe. Et quand il était là, souvent il donnait des dourous, je m'assoyais puis j'écoutais, malgré que c'était en arabe. Et beaucoup de frères haïtiens à l'époque, ils me disaient, mais à quoi ça sert que tu écoutes ça parce que toi, tu comprends même pas qu'est-ce qu'ils disent. Et j'écoutais même des conférences, des cassettes en arabe et tout. Ils me disaient, ça sert à quoi d'écouter ça, tu comprends même pas. Et j'ai dit, mais si je l'écoute jamais, je ne vais jamais l'apprendre. Hein? Effectivement, aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a facilité. Donc, c'est pour dire, si on fait des efforts, on va voir les résultats. Mais si on ne fait pas d'efforts, on ne voit pas les résultats. Si tu veux faire un métier, tu vas apprendre une profession, tu veux apprendre quoi que ce soit, tu vas étudier cette chose-là pour devenir bon dans ça. Et après, tu vas effectivement maîtriser le sujet. Et la chose, tu vas être capable de le faire. Mais si tu ne fais pas d'efforts, tu ne vas jamais devenir bon. Hein? Que ce soit dans l'ébénisterie ou la menuiserie, ou dans la pâtisserie, ou la cuisine, ou n'importe quel autre sujet, tu dois faire des efforts pour y arriver. Et tu dois prendre les moyens pour y arriver aussi. Donc si tu sais qu'il y a une grande école de cuisine à tel endroit, tu veux devenir chef, tu dois aller à cette école-là pour devenir bon. Si tu sais que si tu veux apprendre la science de l'islam, tu sais qu'à cet endroit, il y a des savants, il y a des élèves, il y a des gens qui peuvent t'enseigner la religion et l'arabe, il faut faire des efforts pour essayer d'y aller, si tu es capable, pour essayer d'apprendre. Tu vas partir, tu vas rester, tu vas étudier pendant un certain temps, et lorsque tu vas avoir appris comme il faut, eh bien là, tu vas avoir un bagage avec toi, tu vas pouvoir profiter de ce bagage-là. Beaucoup de frères, ils ont suivi cette initiative-là, et aujourd'hui, ils ont récolté les fruits, et ils ont profité de ça. Donc moi, je les encourage à continuer dans cette voie et à faire les efforts. Si tu fais des efforts pour la dunya, Allah il va te donner. Tu fais les efforts pour l'akhirah, Allah il va te donner. Et il va te donner mieux encore. Donc ça, c'est très très important. Donc le cheikh, il explique ici, il dit, donc nous croyons en les anges. Les anges font partie du monde de l'invisible. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a mentionnés dans la révélation et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il les a mentionnés également dans de nombreux hadiths. Donc celui qui ne croit pas aux anges, eh bien il a renié la foi en Allah. C'est comme s'il est mécréant, les kafirs. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 150 dans Sourate An-Nisa, ceux qui rejettent la foi en Allah et en ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et nous renions certains d'entre eux. Allah il dit dans le verset à la suite de ça, Ulaika humul kafiruna haqqan. C'est-à-dire ceux-là sont les vrais mécréants. Donc ça c'est pour dire que les messagers font partie, les anges font partie des messagers aussi, parce que les anges c'est eux qui transmettent le message d'Allah et qui les amènent aux messagers. Donc les messagers parmi les anges, Allah les a créés pour différentes tâches et remplir différentes fonctions. Et parmi les fonctions, ils ont l'ordre de transmettre les ordres d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 1 dans Surat Fatir, il a créé les anges hein, comme en tant que messagers qui possèdent des ailes, 2, 3, 4, hein, ils peuvent avoir 2, 3 ou 4 ailes, et il dit, et il augmente sa création comme il veut. Yazidu fil khalqi ma yasha. C'est-à-dire que les anges peuvent avoir plus d'anges, plus d'ailes que ça. Et on voit l'exemple de Jibril alayhi salam qui a 600 ailes. Hein, 600 ailes. Donc il dit le cheikh, hum rusulun ya'budun Allah azza wa jal. قال تعالى قال قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وقال يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقال فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وقال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستسحرون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وهذه هي صفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit que les anges sont donc des messagers qui adorent Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a créés pour son adoration. Et il mentionne le verset dans Surat Al-Anbiya, le verset 26 à 28, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ils ont dit, le tout miséricordieux a pris un fils, ou s'est attribué un fils, hein, pureté à lui, qu'il soit glorifié. Plutôt ce sont des serviteurs, un noble, en parlant des anges, ils ne le précèdent pas en parole, hein, par la parole, et ils agissent uniquement par son ordre, hein, selon son commandement. Et il sait ce qu'il y a devant eux et ce qu'il y a derrière eux, et ils ne peuvent intercéder que pour ceux qu'il a agréés et qui sont remplis de sa crainte. Hein? Ensuite, il mentionne le verset 20 dans Sourate Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il glorifie Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour, et il ne se lasse jamais. Il ne cesse jamais d'adorer Allah, ni pour dormir, ni pour se reposer. Il glorifie Allah sans arrêt, jour et nuit. Contrairement à nous, les êtres humains, hein, on adore Allah si on est croyant, on adore Allah, mais on a besoin de s'arrêter pour dormir, on a besoin de s'arrêter pour manger, on a besoin de s'arrêter pour faire d'autres choses. Mais les anges, non. Ils adorent Allah sans cesse. Le verset 38 dans Surat Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et s'ils s'enflent d'orgueil, alors ceux qui sont auprès de ton Seigneur le glorifient hein, nuit et jour. » Et il ne se lasse jamais. Et dans le verset 19 et 20, dans Surat Al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et c'est à lui qu'appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Et ceux qui sont auprès de lui ne s'enflent pas d'orgueil de l'adorer. Hein? La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastashirun. Dans Sourate An-Nisa, est-ce que j'ai mentionné un verset dans Sourate An-Nisa ici? Oui, ça c'est le verset 150 dans Sourate An-Nisa. Et dans Sourate Al-Anbiya, c'est ça que je cherche maintenant, la Sourate Al-Anbiya. C'est le verset 19 et 20. Le verset 27. Dans quel sourate? Al-Anbiya. Non, c'est pas celui-là. C'est dans l'autre. C'est l'autre verset 19 et 20. La yastashirun. C'est ça. La yastakbiruna an ibadatihi wa la yastashirun. C'est-à-dire, ils ne se lassent pas. Hein? Et c'est-à-dire, là, ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ou ne se pensent pas trop important pour adorer Allah. Ou voilà, yastashirun, ils ne se lassent jamais. Et ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala nuit et jour. Et ils ne cessent jamais. Il dit, wahadihi hiya. Donc, ça, c'est les descriptions des anges. Il dit, waminha oula. ومن هؤلاء الملائكة من اقتصر عمله على عبادة الله. Donc parmi les anges, il y en a qui se limitent que à l'adoration d'Allah seulement. Ils font rien d'autre que ça. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما فيها أي في السماء موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى. يعني وهذا فيه دليل على كثرة الملائكة. Donc ici, le cheikh, il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que dans les cieux, il n'y a pas un espace de quatre doigts, excepté qu'il y a un ange qui est prosterné. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a presque pas d'espace vide, où il n'y a pas un ange qui est en train de se prosterner à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et eux, ils sont créés pour se prosterner seulement. Ça veut dire qu'ils font rien d'autre que se prosterner. Hein? Et ils restent prosternés pour adorer Allah tout le temps. Ils ne font rien d'autre que ça. Mais j'en ai parlé au dernier cours. J'avais parlé de ça, mais comme je te dis, Annie, j'ai fait un commentaire là-dessus déjà. Donc, quand le cours sera en ligne, tu l'écouteras, Inch'Allah. Sinon, je vais mentionner quelque chose là-dessus après, Inch'Allah. Après, le cheikh, il dit, donc, le fait qu'il y ait pas un espace de quatre doigts dans les cieux, excepté qu'il y a un ange dedans qui est prosterné, ça indique la quantité des anges, la grande quantité des anges. Ça veut dire qu'ils sont un nombre immense. Tu ne peux même pas les calculer. Hein? Al-Bayt al-Ma'mour, justement, je pensais à ça. À chaque jour, il y a combien de milliers d'anges qui rentrent dans cet endroit-là? Et une fois qu'ils sont rentrés, ils n'en ressortent jamais. Hein? Subhanallah, c'est incroyable. Il dit, وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى فَضْلِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَعْبُدُونَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُمْ لَا يَفْتَرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُنَفِّذُونَ أَوَامِرَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْخَلْقِ وَالْكَوْنِ وَهُمْ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِمْ كَمَا جَاءَ ذِكْرُهُمْ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ والإيمان بأعمالهم التي يقومون بها مما جاء تفصيله في القرآن الكريم والسنة النبوية. Donc ici le cheikh il explique que ça indique également le mérite de ces anges et le fait qu'ils ne font que adorer Allah subhanahu wa ta'ala et ils ne cessent jamais de l'adorer et ils exécutent ses ordres, ses commandements dans la création et dans l'univers. Et donc, ils sont une armée parmi les armées d'Allah. Et il est obligatoire donc de croire en ces anges-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a mentionnés dans le Coran. Et d'avoir la foi et de croire en les actions qu'ils font, que Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionnées en détail dans le Coran et dans la Sunna. du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est important. Nous les êtres humains, on est faible, on est fatigué tout le temps. Si on fait quelque chose, on est fatigué. Tôt ou tard, on se fatigue. Même des fois, on se fatigue même de se reposer. Hein? Quand on a trop dormi, on est fatigué de dormir. Quand on est trop assis longtemps, on est fatigué d'être assis. Quand on est allongé trop longtemps, on est fatigué d'être allongé. Quand on est debout trop longtemps, on est fatigué d'être debout. L'être humain, il est comme ça. Il est pas capable de rester dans une position longtemps. Et si tu es dans la salat, tu fais une salat, à un moment donné, tu vas trouver que tu es fatigué de prier. Hein? Tu vas être fatigué d'adorer Allah. Les anges sont jamais fatigués d'adorer Allah. Hein? Donc ça indique aussi leur force. Et le cheikh il dit ensuite, « ثُمَّ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْمَلَائِكَةِ أَوْ يُؤَوِّلُونَ حَقِيقَتَهُمْ كَمَا هُوَ الْحَالُ عِنْدَ بَعْضَ الْفَلَاسِفَةِ الذين يؤولون حقيقة وجود الملائكة بأنهم قوى الخير النفسانية التي لدى الإنسان كما يسمون القوى الشريرة التي في الإنسان الشياطين يقولون ليس هناك شياطين لهم أجسام وليس هناك ملائكة مخلوقون لهم أجسام حسية وإنما هي مجرد هواجس الخير المتمثلة بالملائكة وهواجس الشر المتمثلة في الشياطين وهذا ونحوه من التخرصات والأباطيل من تأويل القرامطة والفلاسفة الباطنية ومع الأسف هذا موجود في تفسير المنار لمحمد رشيد رضا وعند تعرضه لقصة آدم عليه السلام وقد ذكره صاحب المنار عن شيخه محمد عبده وشيخه محمد عبده نقله عن كتاب الإحياء للغزالي الذي كانت عنده نزعة فلسفية أثرت عليه وهذا التأويل منها. نعم. Donc ici le cheikh il explique qu'il y a des gens parmi les gens de l'égarement qui essaient de déformer la réalité de ce que sont les anges. Donc, le cheikh, il dit, ceux qui ne croient pas en les anges et qui essaient de déformer la réalité de ce que signifie de croire en les anges, comme le font certains philosophes qui déforment la réalité de l'existence des anges en disant que ce sont les forces psychologiques du bien, les forces psychologiques du bien qui sont présentes dans l'être humain. De la même manière qu'ils interprètent les diables comme étant les forces du mal qui sont présentes dans l'être humain. Donc, vous savez des fois comment certains koufars, ils font des représentations, ils vont mettre une personne, puis à côté, ils vont faire apparaître un petit bonhomme avec des ailes, qui est tout blanc. Et ça représente le bien ou l'ange qui va inspirer ou souffler à la personne des choses pour lui dire de faire du bien. Et l'autre côté, il y a un petit bonhomme rouge là qui apparaît, qui vont dire, ah ça c'est le diable qui lui incite de faire des choses mauvaises. Eh bien les philosophes, eux, ils disent ces choses-là, comme si ils disent, en réalité c'est la personne, c'est en cette personne lui-même que ces choses-là existent. Donc ils disent, les anges n'existent pas réellement, de même que les diables n'existent pas réellement. C'est seulement des conflits qui existent à l'intérieur de l'âme de la personne, des forces du bien et du mal qui sont à l'intérieur de lui-même, qui l'incitent soit à faire le bien ou soit à faire le mal. Mais les anges, en tant que corps qui existent, qui sont réels, ça, ils disent non, ça n'existe pas, on ne croit pas en ça. De même que les diables qui existent physiquement et qui sont présents, ça, ils n'y croient pas non plus. Ça, c'est parce que les philosophes, ils essaient de renier en réalité les réalités de ce que les messagers ont expliqué dans la révélation à propos des anges, à propos du Raïb. D'accord? Et donc, le cheikh, il dit à ce sujet-là que, yani, tout ça, en réalité, c'est des faussetés et c'est des fausses interprétations qu'on trouve chez les gens de l'égarement parmi les sectes des Qaramita, parmi les Shia al-Qaramita, et ainsi que les philosophes ésotériques qui se prétendent musulmans, comme les Ismaélites, hein, la secte des Ismaéliyas, ou bien y a d'autres sectes qui sont de cette tendance-là. Donc ça, c'est des gens qui disent le paradis, ça n'existe pas, l'enfer, ça n'existe pas, c'est des états d'âme. Les diables n'existent pas, c'est l'être humain, c'est les forces du mal qui sont dans l'homme. Les anges n'existent pas, c'est les forces du bien qui sont en l'homme. Et ils ne croient pas non plus en les prophètes et les messagers. Ils disent en réalité, les prophètes, ce n'est pas des gens qui reçoivent une révélation, c'est en réalité leur force intérieure qui les amène à devenir des prophètes, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est des choses qu'on entend dans les paroles des gens de l'égarement comme ça. Et ces gens-là, les ulama, ils ne les considèrent même pas musulmans. Ces sectes-là, comme les Qaramita, hein, les Ismailiyya, ou Druze, ou Nusayriyya, toutes ces sectes-là, c'est des sectes qui sont considérées comme étant mécréantes. Ce n'est pas des gens qui sont considérés musulmans. Et le cheikh, il dit, malheureusement, on a trouvé cette interprétation dans les livres de Mohamed Rachid Reda. Mohamed Rachid Reda, c'était un des musulmans de l'Égypte à l'époque de l'occupation anglaise. Et il était parmi les chouyoukhs de l'Azhar à l'époque. Je pense même qu'il a été même le mufti. Si ce n'était pas lui, c'était son cheikh, Mohamed Abdo. Donc il a écrit un tafsir du Coran qui s'appelle Tafsir al-Manar. Et dans son tafsir al-Manar, qui est composé de centaines de volumes, je pense, eh bien, il y a ce genre d'interprétation dedans, malheureusement. Et lui, il dit, le cheikh, que Mohamed Rachid Reda, il a tiré cette interprétation de son cheikh, Mohamed Abdo. Et Mohamed Abdo, lui-même, l'a tiré du livre de Al-Ghazali, qui s'appelle Ihya Ulum al-Din. Et Al-Ghazali, dans son livre, Ihya Ulum al-Din, il a rapporté beaucoup de paroles des philosophes. Il a aussi rapporté beaucoup de paroles des gens de l'ésotérique, hein, des sectes ésotériques aussi, et beaucoup de paroles des soufis al-Batiniyya. Donc, il a ramené dans ce livre, Ihya Ulum al-Din, beaucoup de mensonges et beaucoup de faussetés, et même des paroles des hadiths qui sont fabriqués et toutes sortes de choses mensongères, contraires à l'islam. Donc, il a ramené ça dans ce livre-là et il a appelé le livre Ihya Ulum al-Din. Qu'est-ce que ça veut dire, Ihya Ulum al-Din? Ça veut dire de faire revivifier les sciences de la religion. Revivifier les sciences de la religion. Donc, comment tu veux revivifier les sciences de la religion avec ce genre de fausseté et d'égarement? Donc, juste pour mentionner, par exemple, que le cheikh Mohamed Rachid Reda, son cheikh c'était Mohamed Abdo. Et Mohamed Abdo, son cheikh, c'était Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani, qui était lui-même un chiite, hein, de l'Égypte, de l'Iran. Mais il se faisait appeler Al-Afghani, l'Afghan, pour cacher son origine, hein, iranienne et pour cacher justement qu'il faisait partie des chiites. Et c'est des gens qui faisaient partie de la franc-maçonnerie. Hein, c'est des gens qui faisaient partie de la franc-maçonnerie à l'époque et qui sont connus comme étant des gens qui ne faisaient même pas la salate. Hein. Et beaucoup de choses ont été mentionnées à leur sujet, donc ils ont eu beaucoup d'égarements. Et de ça a découlé, man, je pense même que Mohamed Rachid Reda, il a été une des personnes qui a inspiré Hassan al-Banna, le fondateur des Frères musulmans. Hein. Puis justement, de là que toutes ces choses-là découlent de ces gens-là. Al-Afghani, même, il a passé même quelques temps en France. Il avait même écrit un magazine à l'époque, yani justement pour quand il était en France. En tout cas, c'est des gens qui ont eu des histoires un peu étranges là. Donc, ils sont sortis avec ce genre d'interprétation un peu bizarre comme ça. Même que Mohamed Rachid Reda, c'est lui qui a expliqué que les djinns, c'était en fait des microbes. Il dit qu'on a découvert les microbes maintenant. Et là, j'ai interprété que les djinns dont Allah parle dans le Coran sont en réalité les microbes qu'on ne peut pas voir avec les yeux, qui sont visibles juste avec des microscopes, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est des exemples de ce genre d'interprétation complètement égarée, complètement farfelue, qui sont contraires complètement à la réalité de ce que Allah a révélé dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans la Sunna. Et le pire, c'est que les gens d'égarement, et les koufars même à notre époque, qui essaient de faire croire que c'est eux qui ont inventé la salafie à notre époque. Parce qu'ils disent le mouvement salafiste, il est fondé, il est créé par Mohamed Rachid Reda et Mohamed Abdou en Égypte. Et ils disent c'est ça l'origine du mouvement salafiste à notre époque. Alors que ça n'a rien à voir du tout. Hein. C'est des gens qui sont plus proches de l'école rationaliste des Mu'tazila que de la réalité de la salafie. Donc comment tu peux attribuer la salafie et l'origine de la salafie à des gens qui ont des fondements et des principes qui sont totalement opposés au fondement de la salafie et de l'aqida des salafs, et tu dis c'est eux les fondateurs de la salafie. Donc ça, c'est des exemples comment, à notre époque, les gens ils essaient de déformer la réalité encore une fois. Nasarullah al-afiyah. Donc le cheikh il dit ensuite, والحاصل أن الذي يفسر الملائكة بأنها القوى النفسية إن كان متعمدا لهذا فهو كافر وإن كان مقلدا فهو ضال ومخطئ فعلينا أن نعرف أفكار الفلاسفة ونعرف الوحي المنزل من عند الله ونفرق بينهما. Donc le cheikh dit que, pour résumer, on peut dire que la personne qui interprète les anges comme étant des forces intérieures chez l'être humain, hein, qui dit que ce n'est pas des réalités, ce n'est pas des êtres réels qui existent, mais c'est des forces spirituelles à l'intérieur de l'homme, celui qui dit ça et qui le dit intentionnellement, il est mécréant. Il dit toutefois, s'il le dit en suivant aveuglément d'autres personnes qui l'ont répété, alors dans ce cas-là, il sera égaré. Et on dira qu'il est un égaré et qu'il est dans l'erreur. Il dit donc, nous devons connaître les pensées des philosophes et de connaître la révélation qui a été révélée de la part d'Allah pour être capable de distinguer entre les deux et de ne pas être confondu dans la réalité par rapport à ces questions-là. Ensuite, le cheikh il dit, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ الْحَثُ عَلَى وُجُوبِ الْإِيمَانِ بِالْمَلَائِكَةِ وَفِيهِ بَيَانُ كَثْرَتِهِمْ وَأَنَّهُمْ يَمْلَؤُونَ السَّمَوَاتِ عَلَى سَعَتِهَا وفيه دليل على فضلهم وعبادتهم لله سبحانه وتعالى فهو عالم شريف جليل من عالم الغيب الذي خلقه الله عز وجل لا يعلمه من الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, donc il y a ici une incitation à l'obligation de croire en les anges et d'avoir la foi en les anges, et de savoir à quel point ils sont nombreux, et qu'ils remplissent les cieux et la terre, malgré la vaste étendue des cieux et de l'espace. Les koufars, ils disent, l'espace, c'est le vide. Hein? Il y a le vide. Alors qu'en réalité, il n'y a pas un espace vide dans le ciel. Parce qu'à chaque espace de quatre doigts, il y a un ange qui est en train de se prosterner à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas d'espace vide. Et les koufars, j'écoutais des reportages et des trucs sur les galaxies, l'espace et tout ça, le cosmos. Puis, subhanallah, tu vois que comment ils essaient de comprendre qu'est-ce qu'ils voient dans l'espace, des choses qu'ils analysent avec leur télescope et des trucs comme ça. Et surtout quand ils parlent des trous noirs puis des autres choses de ce genre. Oui, donc c'est ça. Tu lis ça, puis tu dis, subhanallah, ils ont dit qu'un trou noir, c'est une étoile qui a explosé, puis dont la densité est tellement grande qu'elle implose sur elle-même, puis ça crée un genre de vide dans lequel même la lumière ne peut pas s'échapper. Mais même eux, ils ne savent pas l'expliquer. Alors, si eux, ils ne savent pas l'expliquer, comment nous, on pourrait l'affirmer ou le nier? Ça, c'est des hypothèses. Et ça reste des choses qu'ils essaient de prouver avec des calculs, mais yani, quand tu arrives juste au point où tu essaies de comprendre ces choses-là, puis que même les scientifiques, ils sont même pas capables de définir ces choses-là réellement, alors tu comprends que la limite de leur connaissance, là, hein, ils ne peuvent pas. Hein, ils ne peuvent pas savoir tout. Hein, puisque c'est seul. Hein? Bon, ça, encore là, je te dis, moi, je te. Moi, qu'est-ce que je dis par rapport à ces choses-là? C'est que Allahu A'lam, c'est Allah qui sait mieux. Hein? Mais une chose est certaine, l'espace n'est pas vide. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il a rempli l'espace avec ses anges. Et ses anges, c'est des forces. Hein? C'est des grandes, ils ont des grandes forces. Et c'est eux qui remplissent les cieux et qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, on ne peut pas les voir. Parce que ça fait partie du raïb. Mais ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas ou qu'ils ne sont pas là. Hein? Et les anges sont créés de lumière. Allah, il a dit, les anges sont créés de lumière. D'accord? Donc, la lumière, ils ont dit, c'est la chose la plus rapide qui existe dans l'univers, la vitesse de la lumière. Et même quand tu vois ça, tu dis, subhanallah, la lumière, il y en a qui expliquent la lumière de différentes façons. Ils disent que la lumière, c'est composé des photons, hein? Et il y en a qui disent que c'est des ondes. Et encore là, c'est impossible de le définir. Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est composé de quoi? Hein? Est-ce que c'est juste de l'énergie ou autre chose? Allahu a'lam. Toutes ces choses-là, ça nous montre à quel point les êtres humains, ils sont limités. Je me rappelle, quand j'avais des cours de physique, et à un moment donné, on a parlé de toutes ces questions-là. Et puis, on arrive à un point où, quand on avance dans la science et dans la compréhension, dans l'étude de ces choses-là, on arrive à un point où on n'est plus capable de trancher entre la réalité puis la science-fiction parce que c'est tellement époustouflant et ça nous éblouit en fait. On peut plus suivre. On ne sait pas exactement. C'est ça, par déduction et analogie. Et qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils essaient de construire de plus en plus des outils ou des appareils de plus en plus puissants et de plus en plus précis pour essayer de regarder ou de voir ce qu'ils voient déjà. Et au fur et à mesure que la science augmente ou avance, soi-disant, eh bien c'est seulement la précision, disons, de leurs appareils qui commence à devenir de plus en plus détaillés pour être capable d'analyser ces choses-là. Mais n'empêche que ça fait juste reculer un petit peu la limite, mais à chaque fois qu'ils arrivent à répondre à une question, il y en a 10 autres qui arrivent. Hein? Donc c'est pour dire que l'être humain, son ignorance, elle est profonde et elle fait même partie de sa nature. Hein? L'être humain, Allah il l'a décrit comme étant jahoul. Jahoul, c'est-à-dire il est extrêmement ignorant. Et il sort du ventre de sa mère, il sait rien du tout. L'enfant, il sort du ventre de sa mère, il sait rien. Hein? C'est pour te dire, Yanni. Donc, l'être humain, il est toujours limité. Et le cheikh, il dit ensuite, donc, il y a la preuve donc, de la noblesse ou du mérite des anges et qu'ils adorent Allah. Ils sont donc un monde que Allah a créé, qui sont un monde noble et majestueux et qui font partie du monde de l'invisible que Allah a créé et personne ne sait la réalité de ce monde-là, comment il est excepté Allah. Hein, c'est Allah qui sait. C'est comme les salafs, ils disaient à propos des anges quand ils ont mentionné le verset dans Sourate Fatir qu'il a créé des anges avec deux ailes. 3 ailes et 4 ailes. Il dit, et les salafs ont dit, on comprend quand c'est 2 ailes, mais 3 ailes, il est où est-ce qu'il est placé le troisième? Hein? Donc c'est pour te dire que yani, ta raison, elle est limitée. Hein? Tu ne peux pas comprendre ça, ça fait partie de l'invisible. Mais les ailes, c'est pas à la place des mains. Tu peux pas imaginer, tu peux pas savoir parce qu'on les a jamais vus. D'accord? Mais c'est parce que les gens, ils imaginent les anges de... Oui. Les gens, ils imaginent les anges à propos des en se basant sur les exemples qu'ils ont dessinés Déjà, comme par exemple les chrétiens, ils ont fait plein d'images comme ça, des hommes avec des ailes ou des choses comme ça, des bébés avec des ailes dans le dos. Et là, les gens, ils s'imaginent que ça, c'est comme ça les anges, mais ça n'a rien à voir. On ne sait pas réellement comment sont les anges. Et même que si on les voyait, peut-être qu'on serait foudroyé de peur. Hein? C'est pour ça que même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a vu Djibril dans son état naturel d'ange seulement deux fois. Hein? Et il a dit, il couvre l'horizon avec un seul aile. Il a 600 ailes, il couvre l'horizon avec un seul. Donc comment tu peux imaginer ça? C'est pas possible. C'est sûr que les êtres humains, la plupart là, s'ils voyaient ça, peut-être ils mourraient d'une crise cardiaque sur le coup en voyant ça. Ouais, non, c'est ça. L'être humain, il est pas capable de supporter de voir des choses qui sont trop surnaturelles, qui sont en dehors de la réalité, qu'est-ce qu'ils connaissent. Quelque chose que tu vois, même des fois quelque chose qui existe, que tu vois pour la première fois, tu vas être effrayé parfois. Hein? S'il y avait un insecte que tu n'as jamais vu, là, tu t'en vas dans la jungle, tu trouves des insectes ou des bébites, là, comme on dit, nous, hein, des insectes, ton cœur commence à pomper, puis l'adrénaline qui monte, là, tu as peur. Un animal, alors ça, c'est des choses qui sont parmi les choses qui ne sont pas du raib. Imagine quand tu vois les choses du raib. Le pangolin? Je connais même pas ça. Peut-être je connais l'image, mais non, c'est ça. Donc c'est pour dire, Yanni. Le pangolin, c'est pas un animal qui se met en boule là, non? Oui, j'ai entendu ça. Oui, il y a ça en Afrique aussi, je pense. En tout cas, à la kulli hal, le cheikh il dit ensuite: Wa amma qawluhu fi akhir al-hadith, wa law ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathiran. Il dit le cheikh, yani fi al-sahihain, ay huwa muttafaqun alayh, rawahu al-Bukhari wa Muslim, wa amma awwaluhu fa huwa fi al-Sunan wal-Musnad 'inda Ahmad. Yani wa qawluhu ما تلذذتم ما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم في السعودات أو في السعودات تجأرون إلى الله تعالى. هذا فيه ذكر شدة الخوف من أهوال يوم القيامة وما فيها من أخطار عظيمة. Donc ici le cheikh il explique que en ce qui concerne la fin du hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et si vous saviez ce que je sais, vous auriez ri peu et pleuré beaucoup. Il dit ça, c'est mentionné dans le Bukhari et le Muslim, tandis que le début du hadith il est dans la Musnad et dans les Sunan. Il dit, et ensuite quand il dit: et vous n'auriez pas pris de plaisir avec les femmes dans le lit, et vous seriez sortis vers les endroits déserts ou les grands espaces en implorant Allah. Ça, c'est, il dit ça, ce que vous, si vous saviez ce que je sais. Cheikh Al-Fawzan, il dit ça, il parle ici de la gravité de la crainte ou de la peur des choses qui vont arriver au jour de la résurrection. C'est à ça qu'il fait allusion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit: si vous saviez ce que je sais, vous auriez pleuré beaucoup et vous auriez ri peu. Hein? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est pour ça même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que kathratu dhahik, hein, de rire trop, ça tue le cœur. Ça tue le cœur. Donc c'est pour ça que de rire beaucoup, ça tue le cœur. Et donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça aux sahaba: si vous saviez ce que je sais, vous ririez peu et vous pleuriez beaucoup. Il dit le cheikh ici, que à cause des grands dangers qu'il y a au jour de la résurrection, il dit: Wallahu jalla wa ala dhakara hadha fil Qur'an faqal ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum in zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ونحن نعلم ونحن لا نعلم من أهوال يوم القيامة مثل الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه على أمور الآخرة ما لم نطلع عليه رحمة بنا، ولأنه لو اطلعنا على هذه الأشياء لحدث بنا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السعودات تجارون إلى الله. يعني قوله تجأرون يعني ترفعون أصواتكم بالبكاء والتضرع من شدة الخوف، فالأمر شديد والخطب هائل، فيجب على المسلم أن يكون مستعدا لهذه المواقف والأخطار التي هو قادم عليها. دونك لشيخ الزي دونك Allah subhanahu wa ta'ala, il fait référence à cette crainte et à cette peur du jour de la résurrection et de la gravité de ce jour dans le Coran, dans surat Al-Hajj. Les premiers versets dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Ô vous qui avez cru, ou bien ô homme, non, ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, craignez votre Seigneur. » Il dit « Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. » C'est-à-dire la femme qui est en train d'allaiter un bébé, elle va oublier l'enfant qu'elle allaitait. Hein? Quand est-ce que tu vois une femme oublier un enfant, toi? Hein? Impossible. Yani, subhanallah. Ben, ce jour-là, elle va le faire. À cause de la sévérité et de la gravité de ce jour. Il dit, et toute femme enceinte avortera ce qu'elle portait. Les femmes qui sont enceintes, qui ont un bébé, le bébé va sortir direct. Hein? Il dit, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Il dit, ils marchent comme s'ils sont sous, hein, dans la rue, alors qu'ils ne sont pas ivres. Mais le châtiment d'Allah est dur. Attends. On va continuer, après tu poseras la question, Inch'Allah. Il dit, nous, on ne sait pas toutes les choses terribles qui vont se passer au jour de la résurrection. On ne sait pas la même chose que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, savait. C'est-à-dire que nous, ce qu'on sait, ce n'est pas comparable à ce que le prophète, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, savait de qu'est-ce qu'il va y avoir au jour de la résurrection. Il dit, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a fait voir des choses à propos de l'au-delà, hein? Et il ne nous les a pas toutes mentionnées ou ne nous a pas fait voir ces choses-là par miséricorde pour nous. Il dit parce que si on les voyait, peut-être qu'on ne pourrait même pas vivre comme il faut. Hein? Et il dit, si vous auriez vu les choses qui vont se produire, hein? Et c'est ça que le cheikh il dit. Il dit, on aurait été comme le prophète Sansam a mentionné dans le hadith, si on savait ces choses-là, on aurait même pas ri. On n'aurait pas été capable de rire par la suite. On aurait été toujours en train de pleurer sans cesse. Et même si on a des épouses et qu'on veut avoir du plaisir avec nos femmes, on ne serait même pas capable à cause de l'état qui serait causé par notre crainte. Et notre peur, justement, de ce jour-là, cet effet que ça aurait sur nous, ça ferait en sorte qu'on ne pourrait même pas penser à ça. Hein? On ne pourrait même pas s'amuser ou penser à s'amuser du tout dans la dunya parce qu'on serait traumatisé par ces choses-là. Et Allah, par miséricorde, justement, il ne nous a pas justement fait savoir tous les détails à ce sujet-là, par miséricorde pour nous. Et il dit, et vous seriez sortis vers les espaces ou les plaines pour implorer Allah en pleurant à cause de la crainte qui serait causée par justement les connaissances qu'on aurait eues sur les détails de qu'est-ce qui va se passer dans le jour de la résurrection et des choses dangereuses qui vont se passer ce jour-là. Il dit, wa mimma. Je ne sais pas si j'ai le temps de continuer, mais le cheikh il dit وَمِمَّا اطَّلَعَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى نَبِيَّهُ عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ الَّذِي لَا يَخْلُو مِنَ الْمَوَاقِفِ وَالْعَجَائِبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَحْوَالِ الْمَوْتَى الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ أَوْ يُنَعَّمُونَ وَنَحْنُ لَا نُحِسُّ بِهَذَا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على شيء من ذلك، وحينما مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، فنحن نمر بالقبور أو نمر على القبور ولا نشعر بشيء من ذلك، مع أن هذه القبور إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فكل هذا من أمور الآخرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومن الأمور التي يعني حججها الله عنا أو حجبها الله عنا، وقد يحصل شيء من الاطلاع لبعض الناس على عذاب القبر من باب العظة، وهذا شيء معروف، ومن أراد شيئا من هذا فليراجع كتاب الأهوال، أهوال القبور للحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من الكتب المؤلفة في هذا الباب ليعتبر ويتعظ، مع أن الذي غيب عنا لم نعلمه كثير ولم نعلمه كثير. ولما مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فهذان سببان من أسباب عذاب القبر، فهذا مما أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام عليه، وقال لولا أن لا تدافنوا ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. فهو سبحانه يطلع على أشياء قد أطلعه الله عز وجل عليها، وهذا معجزة له، والبشر لا يطيقون سماع ومشاهدة ما أطلعه الله سبحانه وتعالى نبيه عليه، وحجبها عنا رحمة من الله بنا، ولكن هذه الأشياء تنكشف لنا عند الموت. قال تعالى ولقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالميت يعاين عند الموت ويعاين الملائكة ومنزلته عند الله، وإن كان من أهل الخير وإن كان من أهل الشر فإنه يعاين ما سيؤول إليه مصيره من الشقاء والعذاب، وإذا وضع في قبره فإنه يعاين هذه الأمور وغيرها مما لا يعلمه إلا الله. أما وإنه ما دام على قيد الحياة فإن الله حجب هذه الأمور عنه رحمة به، وإلا فلو ضرى بها وعينها لما عاش ولا تلذذ بأكل ولا شرب ولا بأي شيء من ملذات الحياة الدنيا. Donc on va traduire ce passage là puis après ce sera la fin inshallah. Donc on a terminé l'explication de ce hadith. Donc, pour expliquer qu'est-ce que le cheikh il dit ici, il explique que parmi les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir à son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est les choses qui ont rapport avec le châtiment de la tombe, et il dit que c'est rempli de situations étonnantes et de choses surprenantes que seul Allah connaît parmi les situations et les états des gens qui sont morts, soit qu'ils sont en train d'être châtiés ou soit qu'ils reçoivent des délices parmi les délices d'Allah dans leur tombe. Et nous, on ne ressent rien de ça et on ne peut rien voir de ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir cela à son messager, ou bien il a fait voir certaines choses de cela à son messager lorsque il est passé avec des compagnons auprès d'une tombe, et il a dit ces deux-là ou ces deux tombes-là, ils sont en train d'être châtiés. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Abbas. Donc il dit, nous aujourd'hui on passe à côté des tombeaux et on ressent rien et on sait pas qu'est-ce qui se passe, alors qu'en réalité ces gens-là sont soit dans un jardin parmi les jardins du paradis ou un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Et donc tout ça pour dire que toutes ces choses qui ont rapport avec les choses de l'au-delà, il n'y a personne qui les connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala nous a voilées. Il nous a voilées de connaître la réalité de ces choses-là. Et c'est possible que certaines choses puissent voir ou connaître certaines de ces choses-là. Allah peut leur faire voir certaines choses pour leur donner une exhortation. Hein. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Et celui qui veut voir des choses à ce sujet-là ou qui veut entendre des choses sur ce sujet-là, il peut retourner à des livres écrits par des ulama comme le livre Ahwal al-Qubur écrit par Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ou d'autres livres qui ont été écrits sur ce sujet. Et il y a dedans des exhortations et des leçons à tirer. Et il dit donc que, malgré que on a tous été, disons, cachés, hein, on nous a tous, c'est-à-dire on est tous voilés vis-à-vis de ces choses-là, et ça fait partie de l'invisible, et on n'en sait pas beaucoup, mais lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est passé près de deux tombes, il a dit ces deux-là sont en train d'être châtiés, et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose qui est grand. Il dit un d'entre eux, et il était, c'est-à-dire, c'est des choses graves, mais en même temps, c'est des choses qui ne sont pas grandes dans le sens qu'elles ne sont pas difficiles à éviter. Hein? Donc, il dit un d'entre eux, il ne se couvrait pas lorsqu'il faisait. Lorsqu'il urinait, il se protégeait pas contre les éclabousseux d'urine. Ça, c'est un. Le deuxième, il propageait des médisances et des histoires sur les gens. Donc, il faisait un namima. Alors, ça, c'est deux causes parmi les causes pour lesquelles quelqu'un sera châtié dans l'enfer, châtié dans la tombe. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a fait voir et a fait entendre certaines de ces choses-là au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, comme c'est mentionné dans le hadith, la narration de Muslim, il dit, si c'était pas par crainte que vous cessiez de vous enterrer les uns les autres, hein, Allah vous aurait fait, j'aurais invoqué Allah pour qu'il vous fasse entendre le châtiment de la tombe. Mais il avait peur que si il nous fait entendre ça, on allait être tellement effrayés qu'on n'allait plus s'enterrer les uns les autres par crainte de ça, à cause de ça. Hein, donc, le cheikh, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il voit des choses, il entend des choses que Allah lui a fait voir, et ça fait partie de ses miracles. Mais l'être humain, il ne peut pas endurer ou supporter d'entendre ou de voir ces choses-là que Allah a fait voir à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'il nous a voilé de ces choses-là, par miséricorde pour nous. Et il dit, mais ces choses-là seront dévoilées au moment de la mort. Elles vont nous être dévoilées au moment de la mort, comme je mentionnais l'autre fois dans le Dars. Et il cite le verset 22 dans Surat Qaf. Hein, tu étais dans l'insouciance vis-à-vis de cela, et aujourd'hui, nous retirons ton voile. Hein, nous retirons ton voile, le voile qui était sur tes yeux, qui t'empêchait de voir le raib. Eh bien, aujourd'hui, ta vue, elle est perçante aujourd'hui. Donc, c'est pour dire que le mort, à ce moment-là, il commence, Allah lui retire le voile et il lui permet de voir le raib à ce moment-là, au moment de la mort. Et donc il voit les anges qui viennent prendre son âme et il voit la place qui lui est réservée. S'il faisait partie des gens du bien, et s'il faisait partie des gens du mal, il voit ce qui arrive et il voit où va être sa destination. Où est-ce qu'il va s'en aller? Si c'était quelqu'un qui fait partie des gens malheureux et qui vont avoir le châtiment, et il voit quand il est placé dans sa tombe, et il voit les choses et d'autres qui sont préparées pour lui, que seul Allah connaît. Tandis que, tant qu'il est en vie, eh bien Allah l'a voilé de ces choses-là, par miséricorde pour lui. Parce que sinon, s'il les savait, et s'il voyait, et s'il avait entendu tout ça, il n'aurait pas été capable de vivre. ils n'auraient même pas pris du plaisir à manger ou à boire. Hein? Vous savez, quand quelqu'un il est tellement effrayé par quelque chose, il ne peut même pas penser à manger, il ne peut même pas penser à boire, il ne peut même pas penser à autre chose, encore moins au plaisir et aux choses charnelles. Hein? Il n'a plus d'intention pour ces choses-là du tout. Et tous les plaisirs de la vie n'ont plus d'importance pour lui. Alors, si c'était comme ça, Allah, il nous aurait fait voir toutes ces choses-là et ça aurait, on aurait été dans cet état-là. Mais par miséricorde pour nous, hein, il nous a cachés de ces choses-là et il nous a fait connaître certaines choses pour être capable justement d'en prendre conscience et de se préparer. Hein. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.